بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لواجع الله et que ce zélage et le salut soient sur son prophète et messager notre prophète Mohammed ainsi que sur l'ensemble de ses compagnons et ceux qui les auront suivis dans la bienfaisance jusqu'au jour dernier. Ceci dit, nous abordons, incha'Allah, la quatrième règle, le quatrième principe relatif à la droiture, à l'istiqama. Cette quatrième règle, c'est que la droiture voulue du serviteur, c'est de faire preuve d'exactitude. Et s'il ne le peut pas, c'est de s'en rapprocher. L'imam al-Bukhari a rapporté dans son recueil authentique d'après un hadith de Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et a réuni les deux principes que nous venons de mentionner dans cette quatrième règle. Il a dit « Inna ad-dina yusr wa lan yushad ad-dina ahadun illa ghalabah » فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا. Certes, la religion est une facilité, et nul n'exagérera dans la religion sans qu'elle ne prenne le dessus sur lui. Faites donc preuve d'exactitude, ou rapprochez-vous-en, et réjouissez-vous. Ainsi, ce qui est voulu en matière de droiture, c'est de faire preuve d'exactitude. Et faire preuve d'exactitude signifie chercher à atteindre la sunna. Et c'est ce vers quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a orienté Ali radiyallahu anhu, qu'Allah l'agré, lorsqu'il lui demanda, lorsque ce dernier lui demanda qu'il lui enseigne une invocation. En effet, l'imam muslim a rapporté dans ce recueil authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Qul Allahumma hdini wa saddidni » Dis « Ô Allah, fais-moi, guide-moi et fais-moi atteindre l'exactitude. » Il lui a dit également « Wadhkur bil huda hidayataka at-tariq wa sadadi sadadi sahm » وَالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهْمِ. Quant à la guidance, pense à quand tu te trouves, pense à quand tu trouves ton chemin. Et quant à l'exactitude, à la précision de la flèche. Il est important de savoir à partir de cela que le serviteur fera à coup sûr preuve de manquement dans son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à cela que fait allusion la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Fussilat, verset 6: فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا. Faites donc preuve de droiture pour lui et demandez-lui pardon. En effet, c'est par la demande de pardon que nous pouvons remédier à ces manquements. Car cette demande de pardon conduit au repentir et au retour à la vérité. Cela nous amène à dire que si le serviteur ne peut pas faire preuve d'exactitude, et nous avons déjà expliqué que l'exactitude consiste à atteindre la sunna, alors il devra chercher à s'en rapprocher. L'imam Ahmed, de même qu'Ibn Majah, ont rapporté de Thauban que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Istaqimu wa lan tuhsu » وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةِ ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. Soyez droit, bien que vous ne pourrez jamais tout faire. Et sachez que la meilleure de vos actions est la prière. Et ne préserve ses ablutions qu'un croyant. Et dans une version recensée par l'imam Ahmed, Saddidu wa qaribu wa la yuhafidhu ala al-wudu illa mu'min. Faites preuve d'exactitude ou rapprochez-vous-en et ne préserve ses ablutions qu'un croyant. Et dans les deux recueils authentiques del Bukhari et de Muslim, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Saddidu wa qaribu. Faites preuve d'exactitude ou rapprochez-vous-en. L'exactitude, c'est donc la véritable droiture. Et elle consiste à atteindre le but, que ce soit dans les paroles, les actions ou les intentions. Comme celui qui vise un objectif et qui l'atteint. Quant au fait de se rapprocher de l'exactitude, c'est se rapprocher de l'objectif si ce dernier n'est pas atteint. Mais avec la condition, et c'est très important, mais avec la condition d'être persévérant dans la volonté d'exactitude et d'atteinte de l'objectif. Donc certes, si nous ne pouvons pas faire preuve d'exactitude, si nous n'en avons pas la capacité, alors nous allons chercher à nous en rapprocher. Et nous ne nous contenterons de cela qu'avec la ferme volonté d'atteindre l'exactitude. Donc ça reste le but à viser. Donc cela reste le but à viser. Quant à la cinquième règle et le cinquième principe, nous venons d'y faire brièvement allusion. Ça consiste à dire que la droiture concerne aussi bien les paroles, les actions et les intentions. Et c'est ce qu'a dit Ibn al-Qayyim dans Madarij al-Salikin. L'imam Ahmed a rapporté, d'après Anas ibn Malik, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. La foi du serviteur ne sera droite que lorsque son cœur le sera, et son cœur ne sera droit que lorsque sa langue le sera. Nous comprenons de ce hadith que la chose la plus importante à surveiller, après le cœur, c'est la langue, car elle en est son interprète, et c'est elle qui s'exprime pour lui. Le cœur et la langue sont parmi les plus petits membres du corps. Pourtant, c'est d'eux que tous les autres membres dépendent. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté dans un hadith de Nu'man ibn Bashir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala wa inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al-jasad kulluh wa idha fasadat fasada al-jasad kulluh ala wa hiya al-qalb. N'y a-t-il pas dans le corps un morceau de chair qui, lorsqu'il est bon, fera que l'ensemble du corps le sera? C'est le cœur. Et ça, donc, c'est la preuve de l'importance donc, du cœur. Quant à l'importance de la langue, nous trouvons dans ce qu'a rapporté At-Tirmidhi, d'après Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Iza asbah ibn Adam » فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإذا استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. Lorsque le fils d'Adam arrive au matin, tous ses membres se font humbles devant la langue et lui disent « Craignons Allah en ce qui nous concerne, car nous dépendons de toi. Si tu es droite, nous serons droits, et si tu es tordu, nous serons tordus. » Et le rapport donc entre le cœur et la langue, et entre l'ensemble des membres, le cœur et la langue, c'est que lorsque le cœur délègue l'affaire à la langue, elle l'exécute. La langue est donc dépendante du cœur. Quant au reste des membres, ils sont dépendants du cœur et de la langue. Nous avons donc le cœur, la langue qui exécute ce qui provient du cœur, et le reste des membres qui dépendent de tout cela. Nous pourrons dire à présent que c'est pour cela qu'il est obligatoire aux musulmans d'accorder de l'importance à la piété de son cœur et de demander à son Seigneur de lui réformer son cœur et de lui enlever les maladies du cœur, ses maux, ses haines et ses défauts. Puis qu'il s'attelle à réformer sa langue en disant de bonnes paroles et ses membres en accomplissant de bonnes œuvres. La sixième règle, le sixième principe, c'est que la droiture ne peut être que pour Allah, en bénéficiant de son aide et en respectant son commandement. Quant au premier point, qui consiste à dire que la droiture ne peut être que pour Allah, cela est conforme à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Bayyinah, verset numéro 6, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et il ne leur a été commandé, ordonné cependant, que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Quant au second point, c'est-à-dire en bénéficiant de son aide, ceci est conforme à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Hud, verset 123, فَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. Adore-le donc et place ta confiance en lui. Et également dans Surat Al-Fatiha, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. Et dans le hadith authentique rapporté par l'imam muslim d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ihris ala ma yanfa'uk wa sta'im billah » « Recherche ardemment ce qui t'est bénéfique et demande de l'aide à Allah. » Quant au troisième point, c'est-à-dire en respectant son commandement, nous l'avons déjà abordé dans la deuxième règle qui consiste à dire, comme nous l'avons déjà vu, que la réalité de la droiture, c'est d'être attaché à une méthodologie saine et à une voie droite. Et nous avons mentionné beaucoup de paroles des salafs allant dans ce sens. Nous avons mentionné les paroles d'Abu Bakr, de Omar, de Ibn Abbas, de Abu Al-Aliya, de Qatada et d'autres allant dans ce sens. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Hud, verset 112, « Fastaqim kama umirt » Sois droit comme il te l'a été ordonné. Sois droit comme il te l'a été ordonné. Quant à la septième règle et le septième principe, ça consiste à dire que le serviteur, quel que soit son degré de droiture, ne doit pas s'en remettre à ses seules actions. Al-Bukhari et Muslim, dans leur recueil authentique respectif, ont rapporté de Aïcha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu lan yudkhil al jannata ahadan amaluhu qalu wala anta ya rasul Allah qala wala ana illa an yataghammad illa an yataghammad an yataghammadani Allah minhu bimaghfiratin wa rahmah. Cherchez à faire preuve d'exactitude ou rapprochez-vous-en et réjouissez-vous, et nul n'entrera au paradis par ses actions. Ils dirent, c'est-à-dire les compagnons, pas même toi, ô messager d'Allah, pas même moi, répondit-il, sauf si Allah me recouvre d'un pardon et d'une miséricorde. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit dans Madarij al-Salikin, ni la droiture, ni le fait de s'en rapprocher ne sauve la personne le jour du jugement dernier. Que personne ne se fie donc à ses actions, ni n'en soit imbu, et qu'elle ne pense pas qu'elles vont le sauver. Le salut n'est que par la miséricorde d'Allah, son pardon et sa grâce. Et enfin nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder sa miséricorde, son pardon et sa grâce, et de nous assister et de nous faciliter dans ce qu'il aime et agrée. Et nous continuerons et terminerons, incha'Allah, ces 10 règles relatives au principe de la droiture, l'istiqama, la prochaine fois. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.